Bonjour madame, je peux vous aider ? Non merci, je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît ? Ah oui madame, les cabines sont au fond. Alors, ça va ? Non, pas vraiment. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus ? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38, mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Alors, c'est mieux ? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec ? Non, merci, ça suffit pour aujourd'hui.